I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, c'est pas un papier, c'est une pierre tombale. Si j'y vais, c'est vraiment, c'est mort. Enfin, c'est plus qu'avec le papier, et vraiment, ça fait dur. Épisode 9. Ambroise. Alors bon, allons-y. Donc, alors voilà la bibliothèque que je voulais te montrer. Ce qui est amusant, c'est que tu peux le voir d'ailleurs, donc on va peut-être le décrire. De ce côté-là, donc tu as une partie de bibliothèque, il y en a une de l'autre côté, plus une petite là-bas. Et ce qui est amusant, c'est qu'en général, on a tendance, enfin, au fil des années, les bibliothèques ont plutôt tendance à se remplir et à s'agrandir. Et je me suis rendu compte que ça a plutôt tendance à diminuer. C'est-à-dire que je devais avoir avant à peu près deux fois plus de livres. Et je me suis débarrassé d'une... Enfin, il y a une sorte de grand tri, en fait, on a une volonté un peu de débarrasser un peu de livres que vous savez que je... Ou que je ne relirais pas, ou alors qui quelque part, correspondait plus vraiment, qui me correspondait plus vraiment. Et ce qui est aussi amusant, c'est qu'au cours de la dernière année, principalement, je suis pas mal passé aux livres numériques. Et du coup, ça donne un effet un peu intéressant, quelque part, c'est que je me rends compte que, encore une fois, c'est ce décalage qui se crée peu à peu, entre toi et ta bibliothèque. Donc tu passes devant et tu vois des choses que tu ne lirais plus maintenant, qui te ressemblent plus, ça évolue quand même pas mal une bibliothèque au cours d'une vie. Et à l'inverse, des choses qui t'ont beaucoup marqué dernièrement, ils ne sont pas présentes physiquement chez toi. Tu vois. Donc ça, c'est un effet secondaire du livre numérique, on va dire, qui est assez marrant. Voilà, quoi dire d'autre sur le, je sais pas s'il y a des choses que tu as vues qui t'ont marqué ou qui t'ont, en les regardant. Du coup, tu as une liseuse. Du coup, j'ai un peu une liseuse, je lis sur une tablette, une tablette Android que j'ai achetée uniquement pour ça, il faudrait que je passe à la liseuse. Et tu ne l'arranges pas avec la bibliothèque ? Non, c'est vrai que je pourrais. Mais ça n'a pas le même effet. C'est pas une question simplement de présence des livres, mais c'est que. Je sais pas, c'est. Je crois que. Tu tombes pas vraiment par surprise sur un livre dans une liseuse. Il n'y a pas le même effet de tomber, on a tous dans la bibliothèque des livres qu'on n'a pas lus, par exemple. Et c'est vrai que dans une liseuse, il n'y a pas le même effet. En rentrant chez soi, on tombe dessus, comme ça, et c'est une sorte de rencontre, quelque part, avec un livre. Ça, tu l'as pas avec la liseuse, j'ai l'impression. Pas de la même façon. C'est peut-être ça qui manque le plus, plus que le discours qu'on entend sur l'objet en lui-même, quoi, qui n'est pas forcément si important. Mais la présence, quand même, justement, ce que les rencontres lui permettent, la présence physique du livre, ça, ouais. Ça, c'est différent. Ce qui est amusant, ces bibliothèques, c'est que je me rends compte, enfin, c'est que, justement, il y a eu un grand tri qui a été fait, il n'y a pas très longtemps, et c'est de voir ce que j'ai gardé et ce que j'ai pas gardé. Et quand je les regarde, par exemple, en haut, là, j'ai plein de bouquins de Jung, et je suis complètement revenu de Jung, j'ai eu une grosse période de Jung, il y a quelques années, ça m'a absolument... une sorte d'obsession, enfin, on en reparlera sans doute après pour d'autres, par rapport à d'autres livres dans la bibliothèque qui sont un peu en lien avec ça. Et c'est des bouquins dont je ne suis absolument pas défait, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tenu à garder, ça. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment sur quels critères a été fait le tri, en fait. c'est toujours assez mystérieux, en fait. Surtout quand on sait que... Voilà, on compte se débarrasser d'un certain volume de livres, enfin... Justement parce que, au début, oui, voilà, le début est irrationnel, il y a une dimension de tri, voilà, sur ce qu'on veut garder, ce qu'on pense utile de garder ou pas, et rapidement, ça devient assez arbitraire, parce que, voilà, on sait ce qui part, on sait pourquoi ça part, ce qui reste, on sait pas pourquoi ça reste, en fait, je crois vraiment, souvent. Surtout que c'est une bibliothèque qui a été constituée sur quand même pas mal d'années. Il y a des bouquins là, qui datent de mes études. Je ne sais pas dire quel est le plus vieux bouquin, que j'ai depuis plus longtemps dans cette bibliothèque. Je me pose vraiment la question. Il y a des... Je ne sais pas, je me rends compte justement en parlant que c'est... qu'autant parler des livres qu'il y a dans la bibliothèque, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi, autant parler de la bibliothèque en elle-même... c'est pas une chose à laquelle je pense, en fait, tant que ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, ouais. Ce qui est... Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, je sais pas, comment, justement, quand je parlais du premier livre, du plus ancien livre qu'il y a là-dedans, c'est comment elle s'est constituée au fil du temps, en fait. Tu vois, est-ce que j'aurais imaginé, il y a 10, 15 ans, ou 20 ans, ou enfin, quand j'étais ado, avoir cette bibliothèque-là, par exemple, ou de, comment ça s'est fait? Et je crois que ça s'est assez lié. Ah, si, je crois que c'est justement un livre que j'ai depuis le plus longtemps là-dedans. Justement, bah, c'est. Ça va être des bouquins d'Eco, Umberto Eco. Notamment un bouquin que. Je crois que c'était Comment voyager avec un saumon. Qui date de. Bah, tu vois, c'est marqué en plus. Celui-là, il date de 98. J'en ai peut-être pas des plus vieux. Et c'est assez intéressant de dire que ce soit celui-là, parce que ça me rappelle, enfin, justement, sur la façon dont s'est constituée ma bibliothèque, et s'est constituée ma façon de lire aussi, c'est que. Donc, peut-être expliquer un peu ce que c'est. C'est des nouvelles que Eco publiait dans La Repubblica, je crois, qui étaient sortes de nouvelles humoristiques, un peu beaucoup de pastiches, notamment littéraires. Et de voir que je suis un peu rentré en littérature, si on peut dire, c'est un peu très prétentieux dit comme ça, mais je suis un peu arrivé à la littérature par le pastiche, en fait. Parce que, enfin, je crois que j'ai une famille classe moyenne, aisée, assez classique, hein, père ingénieur, mère femme au foyer, mais c'était une famille où il y avait des livres, mais c'était pas, voilà, je suis pas un fils de prof de français, quoi. Les livres étaient présents, mais c'était... éventuellement les derniers livres dont on avait parlé sur France Inter, ou voilà, c'était un peu, c'était pas... on m'a pas fait lire Racine à 12 ans, quoi. Et je suis arrivé en littérature, enfin, dans la littérature, un peu par hasard, pas par l'école, au contraire, parce que l'école m'avait plutôt dégoûté de la littérature, on va dire, même d'auteurs que j'ai beaucoup aimé ensuite, mais un peu par le pastiche, justement. Et je crois que c'est... je me demande dans quelle mesure c'est un peu commun, je pense, ben, par exemple, je crois que j'en ai pas ici... si j'en avais un, j'ai Des femmes qui tombent, parce que c'est son seul roman, quoi, qui est vraiment drôle, c'est par Des proches. Alors c'est vrai qu'on est pas mal revenu sur Des proches depuis, et même maintenant, enfin, il y a beaucoup d'aspects de Des proches qui aujourd'hui, quand on le relit, paraissent assez déplaisants. mais je crois qu'il a eu un mérite qui est quand même assez important, c'est qu'il a fait, mine de rien, c'est quelqu'un qui a donné un contact avec un certain goût de l'écrit, une certaine culture littéraire, à des gens qui n'avait pas été exposé à ça par ailleurs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, même si maintenant c'est un peu devenu une icône, un peu détestable sur certains points, un peu la Charlie Hebdo, dirons-nous, mais c'est quelqu'un qui a eu, moi, ce mérite-là. Et par exemple, je repense à ça, du coup, c'est vrai que j'ai jamais lu Maurice Genevoix, du tout. Je crois que j'ai jamais ouvert un livre de Maurice Genevoix, mais j'ai encore en mémoire la phrase de Desproges, quand il parle de Genevoix, il dit « Comme disait Maurice Genevoix, ma seule ligne, c'est pas de la merde ». Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a profondément marqué. Et ce qui est amusant, c'est que ça ne s'est pas arrêté. Ça, c'est assez, je pense, assez commun dans ma génération. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que, par exemple, Eco, donc tous les pastiches d'Eco, étaient pour moi assez fascinants. C'est que j'ai découvert Kant par Eco, par exemple. J'avais 13-14 ans, je lisais des Eco qui faisaient des blagues sur Kant. Je comprenais à moitié. Mais ça a été ma première approche. Comment dire? Ça a été ma première approche, en fait, de... Ça a été ma première approche de la philosophie, ça a été le cas pour beaucoup de choses, c'était le cas, bah, même pour Woody Allen, par exemple, que j'ai connu à l'époque, que je ne connaissais pas comme cinéaste quand j'étais adolescent, mais que j'ai connu comme nouvelliste. Parce qu'il a écrit des nouvelles qui sont vraiment très très drôles, justement, bah, notamment des parodies de toujours cette dimension de pastiche, un peu, et c'est amusant, je suis rentré là-dedans... un peu par ce biais-là, et je crois que c'est, ben, quand tu m'as, enfin, quand c'est, je lis, du coup, tu couperas si nécessaire, donc quand Yann Damzin a proposé que tu me rencontres pour un épisode de Bibliothèque, je me suis dit, j'avais l'impression de pas être légitime, quelque part. Et je crois que cette absence, ce manque de légitimité me vient, enfin, on va parler de vraie littérature après, on va pas parler que de Pierre Desproges, mais me vient du fait que, quelque part, j'ai jamais vraiment pris la littérature totalement au sérieux. Et justement, peut-être parce que, venant de... y étant entré par des gens qui s'amusaient en montrer quelque part le côté un peu, enfin, à tourner en dérision en fait l'acte, enfin, l'acte d'écrire même, ou même l'œuvre littéraire, parce qu'elle peut avoir aussi parfois d'un peu travaillé, on va dire. On en parlera peut-être, on parlera de Paul Valéry après, que c'est une de mes idoles. Mais il y a, voilà, il y a quelque chose toujours de très dans la figure de l'écrivain, dans la littérature en elle-même, il y a quelque chose qui m'a toujours semblé un peu ridicule, il faut le dire. Et c'est pour ça que tu me disais, tu vas pas m'aimer, parce que toi, tu es un vrai littéraire, tu prends ça très au sérieux. Je sais pas. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et quand je suis donc, et ce qui est amusant, c'est que je t'avais dit que c'était pas par chez moi, par ma famille que m'est venue la littérature, c'est pas non plus par l'école. C'est venu indirectement par l'école et un petit peu par hasard. J'ai passé le bac en 99 et donc j'étais en S, donc j'avais le bac de français en 98. Et je me rappelle, on avait les Confessions de Rousseau au programme. J'ai l'impression que les Confessions de Rousseau sont au programme chaque année depuis la nuit des temps. Et ça, je me rappelle très bien, c'est marrant. D'ailleurs, je l'ai retrouvé, il faudrait que je le retrouve ici. Je l'avais racheté dans une brocante quand j'étais tombé dessus. Le magazine littéraire avait fait en 98 un numéro spécial sur Rousseau. C'était l'époque où ils aimaient encore mettre des auteurs classiques en couverture avec les fameux dessins de je sais plus qui. Et donc, je me suis retrouvé, et ma mère me l'avait acheté en me disant, tiens, t'as Rousseau au programme, ça pourra t'intéresser, quoi. Donc j'ai commencé à le regarder, et je suis tombé sur, donc je l'ai feuilleté, passage sur Rousseau, puis c'était les Confessions, Rousseau, il y a du bon et du mauvais, les Confessions, c'est quand même pas, surtout à cet âge-là, c'est pas forcément, c'est le plus fascinant à lire. Et donc je disais, je parcourais ça d'un œil distrait, dirons-nous, et je suis tombé complètement par hasard sur un texte qu'il y avait à l'intérieur de ce numéro du magazine littéraire, parce que c'était au moment où avaient été publiés par Gallimard les Cahiers de Sciences. Donc Sciences en 95, je crois, si je me souviens bien. Et donc c'était peu de temps après, ils avaient, je crois que c'était ma faveuse, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus, bref. Elle avait cédé, il y avait une histoire de droit, tout ça, et les cahiers ont été publiés par Gallimard, donc un groupe avait 500 pages avec tout ce qui n'avait pas été retenu pour ces livres, et je suis tombé là-dessus, complètement par hasard, et ça a été, je crois, vraiment mon premier choc littéraire, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais surtout quand, bon, après il faut lire Suran à 16 ans, c'est forcément, c'est comme le reste, on en revient avec l'âge, quoique c'est les plus subtils caricatures qu'on en fait parfois. Je pense qu'on y entre, on en revient et on repart. Oui, c'est un peu comme Dieu, mais il y a des variations. Et donc en tout cas, ça a été pour moi une sorte de choc. C'est-à-dire que je me disais vraiment, c'est amusant notamment parce que, par exemple, Baudelaire, on en parlera peut-être aussi, qui m'a profondément marqué, mais par la suite, notamment pour la poésie en prose, on va dire, enfin, que ce soit les fusées ou les plumes de Paris, enfin tout ça, mais les fleurs du mal, on les avait étudiées à l'école, ça m'avait paru d'un ennui assez considérable aussi. Donc j'avais vraiment ce côté, même les auteurs qui devaient me plaire par la suite, ne me plaisaient pas, et là, d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, enfin ça a été vraiment une sorte de... Vraiment, la littérature peut faire ça en fait. C'est idiot dit comme ça, ça fait un peu cliché, mais c'était vraiment de cette nature-là. Et c'est quelque chose qui m'a... Et c'est vraiment, ça a été vraiment, et plus c'est amusant parce que, notamment parce que Suran lui-même ne se prenait pas particulièrement au sérieux, enfin c'est assez compliqué, mais il y avait quand même un rapport à l'ironie et à la distance par rapport à ce qu'il écrit quand même très fort. Et de voir qu'il y avait justement cette espèce d'entre... Enfin, d'une littérature qui à la fois me paraissait extrêmement profonde, j'avais 16 ans, et aussi une sorte de vérité assez crue. Enfin, il y a quand même des phrases chez Suran qui sont tellement magnifiques, quand il dit « Nous vivons un cauchemar dont chaque seconde est un miracle ». Enfin, voilà, on est exposé à ça à 16 ans, c'est très marquant. Très sentencieux, ouais. C'est sentencieux, mais après, enfin, moi j'aime bien les moralistes, mais je devrais pas sans doute, mais... Et donc oui, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et par la suite, ce qui est amusant, et là ça s'est fait complètement par hasard, c'est qu'au cours de l'année suivante, enfin des deux années suivantes, j'ai connu trois expériences à peu près similaires qui ont été avec des gens très différents. Ça a été avec Céline, avec Kafka et avec Lovecraft, qui pourtant a priori sont des gens assez différents, mais c'était justement chacun à leur manière, des individus chez qui je ne sentais pas cette espèce de littérature littératurante, pourrait-on dire. Il y a une, il y a une, il y avait une, il y a chez les, c'est une sorte de volonté de, comment dire, une façon de décrire, de mettre, c'est quelque chose que la poésie fait aussi, mais je ne lisais pas de poésie à l'époque, en tout cas je ne lisais pas avec attention, mais une sorte de mise en contact immédiate avec le réel, avec quelque chose, avec une certaine crudité, ben ça c'est notamment ce qu'on trouve chez Céline, mais qu'on trouve aussi, ben, pour équilibrer sur l'échiquier politique, qu'on trouve aussi chez Annie Lebrun. C'est, il y a une volonté de dire une vérité quelque part, sans, et avec une langue qui est vraiment qui est au service de l'éclaircissement, si tu veux. C'est, y a, ça, le voyage au bout de la nuit m'a profondément marqué pour ça. Parce que c'était. Justement, j'avais l'impression jusqu'à présent, avec ma naïveté d'adolescent jusque-là, que littérature c'était quand même une œuvre de dissimulation, un petit peu. Et qu'il y avait une volonté de. Non pas de style, mais de faire du style, d'un travail de. Et là, c'était, même si évidemment que la langue de Céline est extrêmement travaillée, mais c'était une mise à nu, quoi. Vraiment une mise à nu du réel. Et ça, c'est quelque chose et qu'on trouve aussi d'une certaine façon, même si c'est de façon beaucoup plus métaphorique chez Kafka ou chez Lovecraft. Et ça, c'est amusant de voir que c'est. Que je suis. C'est à ce moment-là, c'est le moment quelque part, d'ailleurs, c'est pile au moment où je suis sorti de littérature au lycée, que j'ai été en contact avec des auteurs qui m'ont. Qui m'ont donné cette impression-là, qui m'ont fait découvrir, en fait, vraiment quelque part, enfin, encore une fois, ça fait un peu cliché de dire comme ça, mais ce que pouvait la littérature. Non, mais je vois, et ça fait cliché, justement, parce que c'est ressenti comme ça par beaucoup de gens. C'est donc, ça, je pense, ouais. Et comment t'en es venu, du coup, au petit trio précité Qui est intéressant. Alors, Céline, ça s'est fait, je crois que ça s'est fait par hasard, c'est que c'était. Donc j'allais régulièrement dans une librairie à l'époque où je prenais des livres un petit peu par hasard. C'était à l'époque, souvent c'était des livres, comme quoi le monde a beaucoup changé. C'était que je découvrais dans Charlie Hebdo, comme quoi les choses, le monde a vraiment beaucoup changé à l'époque, par rapport à l'époque. Et parce que mine de rien, c'est quelque chose aussi justement qui a eu une sorte. Il y avait un côté à l'époque, encore là-dedans, avec notamment, je crois que Philippe Lanson écrivait déjà là-bas, un côté université populaire, quoi. C'était. Et Céline, ça a été. Donc justement, je suis tombé dessus par hasard, parce que bon, je connaissais évidemment le nom, hein, le voyage, mais et c'est par curiosité en fait que je l'ai acheté. Lovecraft, ça a été parce que. Et c'était déjà un auteur qui était très présent dans la. On va dire dans la culture geek ou dans ce qui était un peu. La culture populaire de l'époque. C'est moins le cas que maintenant, où c'est vraiment devenu une icône, mais il est déjà présent, et c'est ça qui m'y a conduit. Et ce qui est amusant, c'est que le fantastique ou la science-fiction, encore maintenant, surtout la science-fiction, me tombe un peu des mains, et là j'ai toujours tout de suite senti que c'était une nature un peu différente, quoi. Et parce que justement ça a été la même chose, donc ça a été des ça s'est fait un peu par hasard, mais le dire exactement comment je les ai découverts, ça je sais plus. Première lecture. Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Je vois une objection à tout effort pour améliorer la condition humaine, c'est que les hommes en sont peut-être indignes, mais je l'écarte sans peine. Tant que le rêve de Caligula restera irréalisable, et que le genre humain tout entier ne se réduira pas à une seule tête offerte au couteau, nous aurons à le tolérer, à le contenir, à l'utiliser pour nos fins. Notre intérêt, bien entendu, sera de le servir. Mon procédé se basait sur une série d'observations de longue date, faites sur moi-même. Toute explication lucide m'a toujours convaincu, toute politesse m'a conquis, tout bonheur m'a presque toujours rendu sage. Et je n'écoutais que d'une oreille les gens bien intentionnés qui disent que le bonheur énerve, que la liberté amollit, que l'humanité corrompt ceux sur lesquels elle s'exerce. Il se peut. Mais dans l'état habituel du monde, c'est refuser de nourrir convenablement un homme émacié de peur que dans quelques années il lui arrive de souffrir de pléthore. Quand on aura allégé le plus possible les servitudes inutiles, évité les malheurs non nécessaires, il restera toujours pour tenir en haleine les vertus héroïques de l'homme, la longue série des maux véritables, la mort, la vieillesse, les maladies non guérissables, l'amour non partagé, l'amitié rejetée ou trahie, la médiocrité d'une vie moins vaste que nos projets et plus terne que nos songes, tous les malheurs causés par la divine nature des choses. Et j'ai l'impression que c'est rangé par ordre alphabétique. Oui, alors approximatif. J'essaye de le faire, mais parce que je me suis toujours posé la question de savoir comment le ranger. Est-ce que je range par fiction ou fiction? Est-ce que je range par siècle? Parfois, il y a tellement de façons de classer. À une époque, j'avais même envie sur une étagère suicidée. Je trouvais ça rigolo. Mais non, c'est, je le fais par alphabétique parce que c'est. En fait, parce que c'est même pas que c'est plus pratique, parce qu'en pratique, ça ne l'est pas. Souvent, surtout quand on cherche pas tel auteur, mais un livre, un essai ou quelque chose comme ça, et que le nom de l'auteur nous échappe, il faudrait le classer différemment, mais il faut bien trier d'une certaine façon, disons. Non, mais ça, c'est amusant, c'est que c'est des années justement qui sont un peu fondatrices quand même. Donc on se souvient vraiment de qui on a découvert et un peu dans quel ordre et pourquoi. Ensuite, c'est plus confus. Parce que déjà, on se met à lire plus. Et du coup, il y a des choses qui restent. Et on sait pourquoi elles restent, mais on ne sait plus du tout pourquoi on est tombé dessus. Et ce qui est amusant, c'est de voir que ça fait quand même des. C'est de voir justement en regardant ce qui est. On en parlait par rapport à ce que j'ai jeté, ce que j'ai pas acheté, enfin, ou revendu dans cette bibliothèque. C'est que. On s'aperçoit un peu qu'il y a enfin, les choses qui restent. Enfin, elles forment quand même quelque part. Enfin, il y a des constantes, quoi. Par exemple, Bataille, ça a été. M'a profondément marqué aussi. Quand j'ai découvert Bataille, notamment l'expérience intérieure. Alors, pour le coup, que je n'avais jamais lu Bataille, j'ai commencé par l'expérience intérieure. Et là, pas pour l'auteur, mais pour le titre. Le titre, ça, des fois, on tombe. Enfin, là, ça, tout le monde connaît ça. Hein, tomber sur un titre et se dire, voilà, c'est. Celui-là, il faut que je le lise. Et ça m'a profondément marqué, ça. Et je crois que c'était vraiment la recherche, justement, de. Tous ces auteurs, ben, que ce soit Bataille, que ce soit René Daumal, que ce soit des auteurs qui me cherchaient un peu sur une expérience extrême, en fait. Pour moi, c'est pas si différent, en fait, de ce que je trouvais, peut-être de façon plus prosaïque, dans tous les sens du terme. Chez Kafka et chez Céline ou chez Lovecraft quand j'avais 18 ans, c'est qu'il y a, voilà, je crois que j'ai cherché dans la littérature justement quelque chose qui est, ben, ça aussi c'est très très Valéry comme façon de dire, quelque chose qui n'était pas vraiment littéraire. En fait, j'ai cherché l'accès à une sorte de vérité, quoi. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé, enfin Michaud me fascine aussi pour ça. C'est tous ces auteurs-là, c'est des auteurs qui sont enfin, après, c'est tellement vaste, mais qui sont à la limite du littéraire pour moi. C'est plus des mystiques quasiment. Et ça, c'est parce que je continue, même si j'en aussi, ça, j'en suis pas mal revenu avec l'âge, parce qu'on s'assagit et qu'on est moins sujet à ce genre de transport. Il y a quand même l'idée qu'il y a là quelque chose. C'est un point d'accès à quelque chose, quoi. Et c'est quelque chose de difficile à décrire, parce que justement, on est à la limite de. Justement, de ce qui peut être dit. Mais voilà, c'est ce genre d'auteur-là qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas que de la littérature ou de la fiction, on va dire ça. Je vois qu'il y a aussi de la philo. Oui. Et. Oh là, de la philo. Tu parlais de Jung. Je parlais de Jung, ouais, Jung m'a beaucoup intéressé pour ça, c'est justement parce que, bah ça on en parlera peut-être après quand on parlera des extraits justement que j'ai pas choisi par hasard, on va dire, pour commencer une bibliothèque. Mais c'est des. C'est une. C'est Jung par exemple, même je crois, voilà, c'est très intéressant, on découvre des choses en parlant, c'est très psychanalytique comme truc. Mais je sais pourquoi j'ai conservé Jung en fait. C'est que même si j'en suis revenu, c'est-à-dire que toute la métaphysique et même la psychologie jungienne me paraît aujourd'hui assez risible, il y a quelque chose là-dedans. C'est comme Bachelard, par exemple. Des auteurs où, je sais pas, il faut reconnaître quand même qu'ils racontent souvent n'importe quoi, mais il y a quelque chose de profondément stimulant dans le fait de les lire. C'est Nietzsche aussi, quelque part. Bon, Nietzsche est un peu plus subtil, tout de même. Mais c'est vraiment cette recherche d'étonnement, en fait. Et ça, c'est des auteurs qui procurent ça. Même quand on en est revenu, je pense. Et justement, tu disais, surtout que tu as l'air d'avoir un regard assez encore plus critique que le mien sur ce rang. Mais il y a quand même des. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai une passion pour les diaristes, notamment. Et même pour des auteurs qui, par ailleurs, ne sont pas diaristes. Tu vois, par exemple, on parlait de Valéry. Je crois que je dois avoir un bouquin de poésie, vraiment au sens strict, de Valéry. Sinon, j'ai que ces journaux. Oui, j'ai Ego Scriptor, j'ai Poésie perdue, j'ai Tel quel. Et bah, Monsieur Test aussi, qui est génial. On en parlera peut-être aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le fragment, dans l'aphorisme aussi. Enfin, en tout cas, c'est des formes qui s'y prêtent bien pour être. L'éclair de vérité. L'éclair de vérité, la fusée, quoi. Comme, c'est très Baudelaire, ça aussi. Tu vois. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose que quelque part, le roman me procure moins. C'est pour ça que j'ai. Finalement, j'ai pas tant de romans. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, mais je suis pas. Je ne suis pas tourné naturellement vers le roman, j'ai l'impression. Énormément de Schopenhauer, qui pareil, est, c'est. Schopenhauer était vraiment un grand choc quand je l'ai lu. Pourtant, ce qui surprend beaucoup de gens, parce que l'idée qu'on se fait de Schopenhauer, c'est quand même. C'est ce qui est une idée juste, hein, c'est vraiment un pessimisme radical, qui n'est pas trop dans ma nature. Mais vraiment, il y a une dimension poétique Schopenhauer, pour moi, qui est absolument formidable. Bon, après, je ne l'ai pas lu en allemand, malheureusement, mais même dans les traductions, y a vraiment une. Enfin, je retrouve encore ça, cette espèce de. Oui, de poésie. Enfin, une sorte de poésie philosophique, quoi. Ça fait très Vigny aussi, mais dit comment. Parce que Vigny, des fois, c'est un peu. Il y a quelques. Le mort du loup, c'est pas mal, mais Vigny, c'est quand même un peu chiant. Mais il n'y a pas justement ce côté. Ce côté, oui, explosif qu'on trouve dans ce genre de. C'est très allemand en fait. Hein. Et je pense aussi notamment, là je dois avoir. On pense à Nietzsche, mais aussi j'ai eu Büchner, Lenz de Büchner, que je sais pas si tu l'as lu, qui est vraiment, vraiment très très très. Qui est vraiment un bouquin incroyable aussi. Novalis aussi, enfin tu vois, toute cette espèce de. Ce qui se trouve quand même à mi-chemin entre. Entre poésie, mysticisme et philosophie, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Ça, je crois que c'est ce que j'ai toujours finalement recherché. Et rétrospectivement, je comprends pour le coup pourquoi la littérature, en tout cas telle qu'elle est présentée aujourd'hui encore, hein, que ce soit à l'école ou par l'espèce de discours républicain, dirons-nous, qui est fait sur la littérature. Qui est très français aussi, n'est pas un discours. N'est pas quelque chose qui donne accès à ça. Et d'où la surprise, enfin en tout cas ma surprise, et qui je pense est, comme tu dis, elle doit être partagée par beaucoup d'autres, quand un jour il y a cette espèce d'effet qui est quasiment une sorte, je sais pas, c'est quasiment une sorte d'effet de dépucelage, quoi, de dire mais c'est possible, ça existe. Et alors que rien avant, dans la façon dont nous en avions parlé, nous laissait supposer que ça l'était. Tu veux dire sur un piédestal, comme quelque chose qui est transcendant Ouais, et puis au-delà de ça, je pense que bah, y a toujours la fameuse histoire, c'est amusant, sur, tu vois, par exemple, tu prends Hugo, qui est la figure par excellence de la littérature française, qui est, enfin, qu'on présente comme l'espèce de. C'est une figure intellectuelle, en fait, vraiment au sens strict du mot intellectuel. On présente l'écrivain comme un intellectuel en France. Alors que Hugo, enfin voilà, tu vois, enfin, tout le monde le sait, c'était un spirit, qui avait des aspects complètement délirants et très très 19e, pour le coup, c'était un homme de son temps. Et voilà, cette dimension, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de. Que même l'intensité ou la folie ou les doit être présentée de façon propre, quoi. Et là, ben, c'est Cioran qui disait, pour le coup, que c'est vrai que c'était pas surprenant que nous, on avait eu Racine et les Anglais ont eu Shakespeare, quoi. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, je pense, de très très français là-dedans. Il y a une sorte de. On est le pays de la couverture blanche, quoi. On aime bien quand c'est. C'est propre. Et c'est pensé, en fait. Enfin, c'est intellectuel. Il y a. Mais pourtant, on a eu. Enfin, pourtant, enfin, on a quand même eu Artaud, on a eu. Tu vois, le XXe siècle français, c'est pas non plus. On a eu Deleuze, enfin, on a quand même eu produit des penseurs et des auteurs qui ont. Dommage aussi, que tu as cité tout à l'heure. Oui, Dommal, oui, Dommal, voilà, par exemple, c'est. Enfin, oui, tout le grand jeu, d'ailleurs, je suis à dire. Dans les fiertés de mes bibliothèques, j'ai le. Cahier de Lerne sur le grand jeu. Avec son bas, hop, tiens, bon, qui est vraiment vraiment chouette. Avec, je crois qu'il y a tous les numéros du Grand Jeu, donc était la revue de Daumal. Il y avait, bah, y avait dans les principaux, il y avait Gilbert Lecomte et Roger Vaillant, évidemment. Et donc avec les photos, c'était incroyable d'ailleurs de voir les photos de. Ils ont des têtes de cagneux, quand ils avaient 18 ans, c'est tellement rigolo. Et ça, c'est. Et ouais, tous les numéros qui ont été publiés, ça pareil, c'est fascinant de voir aussi comment ils ont fini, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que là aussi, quelque part, il y a. Enfin, C'est le mot qui me vient en tête, c'est la question d'authenticité. Pourtant, c'est un mot vraiment pourri, authenticité, parce que ça veut strictement rien dire, et c'est utilisé à tout bout de champ. Mais là, on voit que là aussi, il y a une pause, dirons-nous. C'est dans cette espèce de recherche de l'extrémité, même quand ça les conduit à la folie ou au suicide ou à l'alcoolisme comme eux, il y a quand même toujours une sorte d'héritage romantique qui est aussi une pause, qui est aussi un jeu. Quoi qu'on fasse, on n'en sort pas. Quoi. Justement, là, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Justement, il y avait un passage très bien de Valéry où il y a à propos de Pascal, où il dit, en gros, il est outré par les pensées de Pascal, parce qu'il dit, on ne peut pas écrire comme ça, on vide pas son cœur comme ça. Non, c'est calculé, c'est écrit, il y a du style, c'est pensé, c'est... Mais il y a quand même, on sent sous la pause la présence de quelque chose... Enfin, il y a quelque chose qui relève de la limite, quoi. Tu vois, et ça... Toi qui aimes bien Huguenin, je crois, aussi. Oui, voilà. Ça, c'est Huguenin, ça. C'est très présent chez lui. Ouais, j'aime aussi beaucoup les diaristes... En ouais. général, donc forcément, même si, bon, je trouve que il y a un petit côté de reste d'adolescence dans le journal d'Huguenin. Oui. Qui est quand même bien marqué à certains moments, et dans une bonne partie, mais oui, bah, Huguenin, forcément. C'est pas forcément quelque chose à... forcément à rejeter, enfin je sais pas, c'est... C'est... Ce qui me dérange plus chez Huguenin, enfin chez certains diaristes, c'est justement le... espèce de... Parfois de présence du moi qui est... C'est plus ça que l'adolescence, en fait. Le côté adolescent qui me dérange. Enfin, qui me dérange. Pas exagéré, mais qui me parle moins, on va dire. Peut-être une trop grande présence du quotidien. C'est pour ça que... Oui, voilà, je parlais de Michaud, alors, pour le coup. Même quand Michaud, même quand il parle de la visite de ses voisins, c'est sur un mode micheldien, donc ça passe tout seul. Mais non, voilà, il y a... Le rapport est quand même très différent, quoi. Il y a plusieurs façons de parler de son intimité, quoi. Il y a l'intimité dans une sorte de consignation du temps qui passe, et pareil, il y a une autre forme d'intimité, je sais pas, c'est très confus, hein. C'est toujours très confus. Et donc tu préfères celle qui s'extrait du quotidien ? Peut-être, ou... ouais, peut-être. Ouais. Mais encore une fois, on peut faire des choses magnifiques avec ça aussi. C'est lequel, le dernier à être rentré ? Le dernier à être rentré... c'est très amusant, ça a été... Alors, pour le coup, c'était même pas pour ta venue. C'est... Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est celui-là. C'est Annie Ernaux, le Quattro... toujours bien dire... Quarto, pardon. Toujours bien Quarto. Et que j'ai acheté... c'est vachement intéressant. En plus, c'était... je l'ai acheté... il y a 2 semaines, 3 semaines. Et durant l'achetant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que je savais qu'on allait faire ce podcast. J'ai pas du tout pensé à ça au moment où je l'ai acheté, parce que je comptais pas particulièrement en parler. Mais j'ai lu quasiment tout Ernaux il y a quelques mois d'une traite en format électronique. Mmh. Et j'ai ressenti le besoin de l'avoir en physique. C'est toujours la question du rapport à cette bibliothèque qui est quand même compliquée. Il y a des choses dont on voudrait se débarrasser, dont on ne se débarrasse pas, enfin, dont on penserait pouvoir se débarrasser, dont on ne se débarrasse pas. Il y a des choses qu'on achète alors qu'on les a déjà lues et que finalement, mais on a envie de les avoir là. Non, en fait, je crois que si vraiment on essaie d'être totalement rationnel, une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté, je crois que c'est pour me dire, si je veux partir en vacances, en voyage, n'importe quoi, je peux l'avoir. Alors que c'est un peu paradoxal, parce qu'a priori, un des avantages de la littérature électronique, enfin de livres électroniques, c'est justement de pouvoir transporter une sa bibliothèque sur soi n'importe où. Mais justement, comme moi là, j'ai pas de liseuse, et en général, je copie les fichiers pour les lire, je fais une sorte de roulement, quoi. Et là, le fait de dire ça va aller dans un sac à dos. Et je pense que c'est pas anodin aussi, le fait de mettre un livre dans un sac à dos, ou quand on part quelque part. C'est-à-dire, c'est celui-là que je prends, je vais pas le lire sur un coin d'écran. Parmi d'autres, et parmi 800 autres livres qui seront sur le même carte SD et qu'on pourra passer de l'un à l'autre à tout moment, là il y a une. Enfin, c'est ouais, partir en vacances avec un livre, c'est quelque chose, quoi. Mmh. C'est pas. Et de ce point de vue-là, peut-être que, justement, c'est pas le plus gros. Enfin, c'est le plus gros défaut, quelque part, de la littérature, enfin, des livres électroniques. C'est. Autant c'est extrêmement utile, justement, on parlait tout à l'heure de la prise de notes, pour rechercher et retrouver des passages, enfin voilà, ça c'est fantastique, c'est prodigieux le temps que ça fait gagner. Mais pour le. Mais l'argument du stockage, qui est souvent l'argument mis en avant, on n'est peut-être pas vraiment. Hein. C'est. Peut-être qu'il y a une perte, vraiment, là, dans le fait de devoir. De plus avoir à choisir. C'est comme si on pouvait partir en vacances avec tous ses amis d'un coup. Non, on ne peut pas. Il y a un choix qui est fait, ça a un sens. Deuxième lecture. Donc, Henri Michaud, le portrait de A dans Difficulté. Il manquait d'attention, et même intéressé, ne remarquait pas grand-chose. Comme si seulement une couche extérieure d'attention s'ouvrait en lui, mais non son moi. Il restait là, dodelinant. Il lisait énormément, très vite et très mal. C'était la forme que prenait l'attention chez lui. Car tant que son fond restait indécis et mystérieux et peu palpable, son attention consistait à trouver dans un livre ce même univers fuyant et sans contour. Lisant comme il faisait, même un manuel d'arithmétique ou du François Copé devenait une nébuleuse. Et s'il se mettait à lire lentement, voulant en retenir, néant. C'était comme s'il regardait des pages blanches. Mais il pouvait très bien relire, du moment que ce fut vite. On conçoit cela aisément, il formait ainsi une nouvelle, une autre nébuleuse. Et la sympathie venant du souvenir agréable le soutenait aussitôt. Dans les livres, il cherche la révélation. Il les parcourt en flèche. Tout d'un coup, grand bonheur, une phrase, un incident, un je ne sais quoi, il y a là quelque chose. Alors il se met à léviter vers ce quelque chose avec le plus qu'il peut de lui-même, parfois s'y accole d'un coup comme le fer à l'aimant. Il y appelle ses autres notions, venez, venez. Il est là quelque temps dans les tourbillons et les serpentins et dans une clarté qui dit, c'est là. Après quelque intervalle, toutefois, par morceaux, petit à petit, le voilà qui se détache, retombe un peu, beaucoup. Mais jamais si bas que là où il était précédemment. Il a gagné quelque chose. Il s'est fait un peu supérieur à lui-même. Bon, j'ai fait le parallèle avec Kivaud, je ne sais pas ce qu'il vaut d'ailleurs, avec Céline, il y a ce qui peut paraître un peu étonnant. Mais pour le coup, voilà, c'est quelque chose. Enfin, je connaissais Arnaud encore une fois, mais je ne l'avais jamais lu. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé de la même façon. Je ressentis ce même type, pourtant, encore une fois, je dis, je ne suis pas un homme du roman ou de l'autobiographie, on va dire. Mais ce n'est pas du tout mon genre de littérature, a priori. Ce n'est pas ce qui va me marquer. Mais là, justement, parce qu'il y avait cette. Ça dit la réalité, quoi. D'ailleurs, le titre du quarto. Écrire la vie. Et c'est ça. C'est assez marrant, parce que du coup, on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur. Comment est-ce que on transfigure la vie avec ce qu'on dit, en quoi le style joue là-dedans, enfin, c'est ce que tu disais. Oui. Hein. Et, oui, je trouve ça drôle et en même temps assez logique, puisque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, comme choix, Ernaud. Oui, oui. Et justement, ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est quand je parlais justement des constantes dans une bibliothèque, et dans ses goûts, et le fait que les goûts évoluent énormément au cours d'une vie. Et pourtant, voilà, par Ernaud, je retombe sur quelque chose qui, il y a plus de 18 ans maintenant, je suis très vieux, m'avait marqué, m'avait vraiment cloué chez Céline. Parce que, même si on ne parle pas du tout de la même façon et avec les mêmes intentions, quand Ernaud et quand Céline parlent des pauvres, ils disent ce qu'est la pauvreté. Et la littérature et le discours omniprésent, le discours de la langue ordinaire ne dit pas ce qu'est la pauvreté. Voilà. Et là, c'est dans le cadre dans ce cas-là, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la sexualité chez Bataille, c'est vrai pour. Parfois, il y a. Voilà. On arrive quand même à dire quelque chose malgré les mots, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est chouette, enfin, c'est ça qui me marque dans la littérature. Et qui a aussi un rapport extrêmement spécifique. Et ça, je me rends compte par rapport à beaucoup de gens qui sont, qui pour eux sont vraiment des littéraires et enfin qui ont un être au monde littéraire, dirons-nous. C'est des gens qui vraiment ont une capacité à lire avec plaisir, je vais dire tout et n'importe quoi, mais qui ont qui recherchent, j'ai l'impression qu'ils ont un goût pour la littérature pour elle-même. Et j'ai toujours l'impression que moi, j'y cherche autre chose que ce qui est vraiment. À moins que ce soit ça qui est vraiment la littérature, ça, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais j'ai toujours l'impression quand même. C'est. Il y avait quelque chose de. Que c'est un moyen pour trouver, pour avoir accès à quelque chose. qui finalement n'est pas littéraire. Je pense que c'est pas un hasard le fait que tous ceux que tu as cités au moins Céline, Ernaud et quelques autres, ça dépend qui on pourrait mettre dans ça, mais tous et toutes plus ou moins inventé une nouvelle manière de raconter la vie. Céline avec exactement. Et Ernaud, un peu en dépassant le roman et le récit pour faire une sorte de... Enfin, ce qu'elle avait fait avec, il y a quelques années avec Les Années, une sorte de récit total qui soit à la fois son autobiographie et en même temps l'histoire de France, de la condition des femmes, en même temps. Et je pense que c'est pas anodin le fait que ce soit cette transfiguration-là de la vie qui te plaise, parce que c'est des choses qui sont... à côté, puissantes, nouvelles, qui ont un poids particulier dans la littérature d'aujourd'hui, d'hier. Là, c'est quand même déjà une réflexion d'historien, quelque part. Enfin, je veux dire, en tout cas, d'historien de la littérature. J'ai pas l'impression que là... Il se trouve que c'est le cas, il se trouve, mais est-ce que ça m'a marqué pour cette raison-là? Est-ce que c'est parce que c'était nouveau, quelque part, dans la littérature, que ça m'a marqué? Je sais pas. C'est déjà une réflexion... universitaire, on va dire. Alors, peut-être que nouveauté n'était pas le terme, mais je veux dire que c'est quelque chose qui est à côté. Parce que tout à l'heure, tu parlais des personnes littéraires qui pourraient lire à peu près n'importe quoi, et c'est l'acte d'écrire lui-même, qui pourrait être leur intérêt. Dans ce que tu as cité, je trouve que le fil conducteur, c'est cette manière d'être à côté de la littérature, pour transfigurer la vie d'une manière qui n'est pas faite par d'autres. Je vois ce que tu veux dire. Je sais que c'est pas très clair, j'essaie de dérouler le fil. Ni l'un ni l'autre, c'est parfait. non, mais oui, oui. De cette façon-là, oui. Ouais. Borges, ça a été une de mes grandes révélations. J'ai découvert Borges sur le tard, je devais avoir 24-25 ans. Borges m'a marqué parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement... Pourtant, c'est comme une littérature assez... malgré la forme particulière, c'est une sorte de littérature assez bourgeoise, Borges. Il n'y a pas quelque chose de... Ça reste, malgré tout, pour le coup, vraiment d'une approche assez encyclopédique de la littérature et assez... Borges m'a marqué. Pourtant, je sais pas, ça a été extrêmement libérateur. Quand j'ai lu Fiction, donc les premiers recueils de Borges que j'ai lus, c'était de me dire on peut faire ça. Et ça, c'est vraiment l'impression que m'a laissé Borges, c'était ça. C'était libérateur parce que je me disais, peut-être justement ce rapport dont on parlait entre philosophie, littérature, c'était de me dire, voilà, il est possible d'écrire ça. D'écrire une littérature sans personnage, d'écrire une littérature uniquement intellectuelle, d'écrire une littérature quasiment spéculative, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Je me dis, oui, c'est... Enfin, ça a vraiment été assez libérateur pour moi, notamment après pour d'autres choses auxquelles je me suis intéressé par la suite, comme la génération procédurale de textes sur ordinateur, des choses comme ça. Mais ce qui est amusant, c'est que même si Borges a occupé une grande place dans mon imaginaire, c'est un rapport complètement différent de celui que j'ai, par exemple, avec Arnaud, ou avec Céline, ou avec Lovecraft, même, qui est un rapport, pour le coup, beaucoup plus organique, quoi. Enfin, ça rejoint peut-être un peu aussi ce qu'on disait au début sur... une approche plus intellectuelle et une approche qui l'est moins. Et Borges, il ouvre des possibles, mais il ouvre des possibles dans le champ littéraire. Quoi. C'est pas quelqu'un, comme tu disais, qui va donner un nouvel éclairage sur l'existence. Ou sur ce qui existe en dehors de la littérature. Pour le coup, c'est même pas du tout le projet, quelque part. Et d'ailleurs, c'est amusant quand j'y pense que je pense que... Beaucoup de gens me connaissent surtout comme lecteur de Borges, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. Alors en fait, je me rends compte qu'il n'occupe pas une place si importante, ni dans ma bibliothèque, ni dans mon... ni quelque part dans mon imaginaire. Dostoïevski a été aussi un... Alors ce qui est assez amusant, c'est que je... On parlait tout à l'heure des romans et des... à part peut-être les frères Karamazov, ce que je tiens pour le meilleur livre de Dostoïevski, alors il a été traduit de plein de façons différentes, c'est les carnets du sous-sol. Mmh. Et qui est... que j'essaye d'encourager les gens à lire, justement, parce que les gens ont souvent peur de Dostoïevski, à raison, parce qu'ils s'attendent à avoir le machin monumental. Et Karen Stoll, c'est vraiment c'est prodigieux comme livre. C'est, encore une fois, c'est terrifiant. Mais. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Thomas Bernhard aussi, mais bon, là, on rejoint un peu Céline, dirons-nous. Thomas Bernhard m'a beaucoup marqué aussi quand je l'ai découvert. Ah, si, il y a un livre, dans les livres que j'ai découvert sur le tard. D'ailleurs, il doit être. Je l'avais mis un peu à part pour les lectures. Mais... C'est Moby Dick de Melville. J'avais lu, c'est vrai, c'est que j'ai lu Bartleby très très tôt, c'est, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, et ça m'a jamais donné la curiosité de lire le reste de Melville, parce que j'avais eu de Moby Dick une. Voilà. C'est un peu où c'est un peu comme Faust, ou c'est ce genre de livre où les gens vous disent méfie-toi, de quoi tu te lances. Et c'est un livre qui m'a profondément. Enfin, je crois qu'à l'heure actuelle, si on me demandait de choisir un roman, je choisirais Moby Dick. C'est. Parce que juste. Je crois que justement, c'est pas un hasard d'ailleurs que ce soit un livre. Que ce soit un livre qui parle de la mer, en fait. Parce que, enfin, il y a beaucoup de choses dans Moby Dick, mais. Il y a quelques mois, j'étais tombé sur un. Je sais plus comment il s'appelait maintenant, j'ai oublié son nom. Sur France Culture, tu vois, c'était la compagnie des auteurs. Un poète qui disait qu'il avait. Il avait grandi près de la mer, et que quelque chose qui l'avait fasciné, c'était de voir, quand il était enfant, il regardait les vagues qui s'écrasaient en bas de chez lui, et il disait qu'il, enfin, pour lui, c'était évident qu'il y avait là, que c'était la trace d'une force, ça rendait visible quelque part, c'est très Schopenhauer, hein, une force qu'il ressentait dans une certaine littérature, dans une certaine poésie, et puis dans l'existence en général. Et je crois que Moby Dick, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est un livre qui est. C'est un livre qui est prodigieux par la liberté qu'il y a dedans. Troisième lecture. Donc, Melville, Moby Dick. Appelez-moi Ismaël. Voici quelques années. Peu importe combien, le porte-monnaie vide ou presque, rien ne me retenant à terre, je songeais à naviguer un peu et à voir l'étendue liquide du globe. C'est une méthode à moi pour secouer la mélancolie et rajeunir le sang. Quand je sens s'abaisser le coin de mes lèvres, quand s'installe en mon âme le crachin d'un humide novembre, quand je me surprends à faire halte devant l'échoppe du fabricant de cercueils et à emboîter le pas à tout enterrement que je croise, et, plus particulièrement, lorsque mon hypocondrie me tient si fortement que je dois faire appel à tout mon sens moral pour me retenir de me ruer délibérément dans la rue, afin d'arracher systématiquement à tout un chacun son chapeau, alors j'estime qu'il est grand temps pour moi de prendre la mer. Cela me tient lieu de balles et de pistolets. Caton se lance contre son épée avec un panache philosophique, moi je m'embarque tranquillement. Il n'y a là rien de surprenant. S'ils en étaient conscients, presque tous les hommes ont, une fois ou l'autre, nourri à leur manière envers l'océan des sentiments pareils aux miens. Toutefois, quand je dis avoir l'habitude de prendre la mer chaque fois que mon regard commence à s'embrumer, quand je me préoccupe par trop de mes poumons, je n'aimerais pas qu'on en conclue que j'y vais en tant que passager. Il y faudrait une bourse. Or, une bourse, s'il n'y a rien dedans, ce n'est qu'une loque. D'autre part, les passagers ont le mal de mer, deviennent hargneux, insomniaques, et n'ont en général pas grand plaisir. Non, je ne m'embarque jamais comme passager. Et bien que j'ai quelque chose du loup de mer, je ne pars jamais non plus comme commodore, capitaine ou maître coq. Je laisse à ceux qui les apprécient ces distinctions et ces titres de gloire. Pour ma part, j'aborde tout d'abord honorable, respectable, les épreuves et tribulations de quelque nature qu'elles soient. J'ai bien assez à faire de m'occuper de moi-même sans assumer la responsabilité de navires, de trois mâts, de briques, de goélettes et que sais-je encore. Non, quand je prends la mer, c'est comme simple matelot de devant le mât, d'aplomb au gaillard d'avant et au sommet du mât de cacatois. À vrai dire, je reçois pas mal d'ordres, qu'on me contraint de sauter d'espar en espar comme une sauterelle dans la prairie de mai. Au début, cette soumission est assez déplaisante. Si quelques vieux rats de capitaine m'ordonnent de prendre un balai et de nettoyer les ponts, alors quoi? Quel est le poids de cette humiliation pesée, il s'entend, sur la balance du Nouveau Testament? Pensez-vous que l'archange Gabriel aura de moi une opinion meilleure si, dans cette circonstance donnée, j'obéis à ce vieux rat avec promptitude et déférence? Qui n'est pas esclave, je vous le demande. De sorte que les vieux capitaines peuvent bien me donner des ordres, m'accabler de coups et de horions, j'ai la satisfaction de savoir que c'est dans l'ordre des choses, que tout un chacun est à peu près logé à la même enseigne, que ce soit sur le plan physique ou métaphysique, et que l'universel coup de matraque ayant achevé sa tournée, les hommes n'ont plus qu'à se frictionner mutuellement les omoplates et s'estimer contents. Kaiwa, aussi en littérature fantastique, qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup aimé, très sous-estimé d'ailleurs, comme auteur en tout cas de fantastique, Kaiwa. C'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup, notamment en termes de traduction. C'était un peu une sorte de grande époque aussi du fantastique français. Bah, c'était un peu l'époque de Planète et tout ça. Une sorte d'approche du réalisme magique qui aurait pu un peu plus percer en France à l'époque. Ah, ça, on n'a pas parlé de théâtre. J'ai pas grand-chose en théâtre. Je vois ça parce que là, il y a l'UNESCO. Je devrais du Beckett aussi. Pour le coup, c'est très 20e. Mais ça reste quand même pas. Ce qui est marrant, par exemple, ce qui m'a le plus marqué chez UNESCO, j'ai beaucoup aimé Le Roi Seigneur, mais ça a été le journal de UNESCO qui n'est pas très connu. Je crois que je l'ai. Oui, il est là. Il y a des choses pas mal sur le. Non, ça c'est Ibsen. Ah, il est là. Ouais, je ne suis pas là. Il y a le. Ah, si, il est là. Le Solitaire aussi, qui est un roman de UNESCO qui est très bien, qui est très peu connu, enfin très peu lu. Le début est fantastique, c'est à 35 ans, il est temps de se retirer de la course, si course il y a. C'est un très bon épitome. Ça m'a hanté pendant des années. J'ai lu dur ça à 25 ans, je me dis ok, je me laisse 10 ans, et après. Et qui est vraiment pas mal. Et surtout que c'est toujours amusant de voir des auteurs, justement, bah, on en parlait aussi pour. Enfin, pour Valéry, c'est un peu différent parce qu'il est connu pour les deux, mais de voir des auteurs qui sont connus pour un. Voilà, UNESCO est essentiellement connu pour le théâtre. Et alors, son journal est vraiment bien, notamment dans des. J'en souviens, bon, j'ai vu ça il y a des années, j'en souviens plus trop. Il y a un passage pas mal où, justement, on va en parler 19e et 20e, où il explique que la littérature jusqu'à présent, enfin, jusqu'à maintenant, a toujours pensé de décrire le chaos, mais n'a jamais cherché à devenir chaos. Enfin, je ne me souviens plus exactement de la citation, et c'est assez banal, mais c'est étonnant de voir ça chez UNESCO. C'est quelque chose qu'on serait attendu à voir chez Beckett quelque part. Et surtout parce que le rapport à la langue était quand même plus classique chez UNESCO. Mais. Ah, j'ai du Reverdy aussi. Et là, pareil, alors, je me souviens d'aucun poème de Reverdy. Par contre, je me souviens, il y a. J'ai oublié son nom. Il a écrit un. Ah, si, ça, cette émotion appelée poésie. C'est les écrits de Reverdy sur la poésie. Et qui, alors, pareil, encore une fois, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais je ne me souviens plus de passage précis, mais ça rejoint les choses qu'on a dites. Oui. Je vois qu'il y a des pages qui sont marquées. Il y a des pages qui sont marquées, ouais. Ce qui est rare d'ailleurs. Ça aussi, ça fait des strates. Hein. C'est-à-dire qu'à une époque, je gribouillais, enfin, je notais au crayon dans la marge des livres, j'ai arrêté de le faire. À une époque, je cornais, après, j'ai arrêté de corner aussi. Maintenant, je note sur ordinateur les passages. Mais oui, il y a des. Rien que dans la façon de prendre des notes, il y a des évolutions au fil du temps. Tu recopies les passages du coup? Ouais, je recopie les passages. Et c'est justement, ça a été, quand tu m'avais demandé, là en soi, l'exercice est très intéressant, de choisir des passages à lire. Je me suis rendu compte, j'ai un très gros fichier avec plein de phrases, mais justement, c'est des phrases. Mmh. Et ça a été compliqué parfois de retrouver des passages ou de retrouver des passages plus longs parce que notamment. À la fois par ma façon de noter de par la nature de ce que je lis, quoi. C'est vrai que le diarisme, les journaux, c'est dur à lire, quoi. Ça se prête mal à la lecture, surtout quand c'est des fragments, des choses comme ça. Mais regardez, ouais, tiens, on va prendre. Qu'est-ce que j'avais corné? Attention. Alors, c'est dans cette lutte contre le réel tel qu'il est, où se trouve engagée la conscience humaine, que s'affirme l'utilité du poète et que la poésie naît. C'est dans ce sens qu'elle sert, non pas à telle ou telle chose particulière à quoi l'on voudrait étroitement la contraindre ou l'enchaîner, mais comme manifestation du besoin irrépressible de liberté qui est dans l'homme. Voilà, donc tu vois, comme qu'on parle de constante, je ne sais plus quand j'ai corné ça, mais. Je vois que tu as plusieurs numéros des cahiers de Lerne. Ouais, j'en ai pas mal. Tu en as déjà sorti un, hein. Ouais, j'en ai sorti un. Et ça, c'est amusant, c'est que les Lerne, c'est un peu la concrétisation. Tu vois. Ça, c'est l'espèce de. C'est la façon dont je. Quand j'ai les cahiers de Lerne, des auteurs qui m'ont profondément marqué, d'ailleurs, tu vois, il y en a quoi. Donc, on a Le Grand Jeu, j'ai Borges, Jung, Sioran, Schopenhauer et Lovecraft. Donc, voilà, tu vois, c'est le couronnement. Fait que c'est bien, ça fait des sortes de. En plus, visuellement, c'est intéressant dans la bibliothèque. Ça fait des sortes de stèles, tu vois. Comme dirait Ségalen. Des trucs qui sont posés là, on les voit. On repère le truc. De loin. Ça fait... ça fait des séparations, justement, pour la... le découpage en... le classement... par ordre alphabétique dont tu me parlais. C'est ça que j'ai lu de la tranquillité de Pessoa. Qui... Pessoa, j'en suis complètement... Tu vois, on parlait de Siron tout à l'heure. Pessoa, j'en suis complètement revenu. Tu disais qu'il y avait chez Huguenin le côté un peu adolescent dans le journal. Pour moi, Pessoa, ça a vraiment, c'est vraiment ce côté... c'est un peu comme Mars de Fritz Horn. C'est des auteurs, sans nier par ailleurs leur qualité, je les trouve une dimension de noirceur qui les rend assez difficiles à lire, en fait. Enfin, assez... Bon, le cas de Zorn, en plus, c'est... Il y a une dimension assez désagréable du personnage. Mais même chez Pessoa, il est pas racheté par l'humour, tu vois. Contrairement à Suran. C'est... Il y a vraiment une dimension... Une mélancolie pure chez Pessoa qui fait que... j'arrive pas à y adhérer totalement, alors qu'a priori ça devrait être totalement... Enfin, ça devrait me plaire, hein. Mais j'ai jamais réussi complètement à... Peut-être aussi justement parce que Pessoa est encore trop littéraire avec les hétéronymes, avec... Il y a un jeu qui est trop présent, je sais pas. C'est une bonne question, hein. Quand on a... des fois c'est aussi complexe de savoir pourquoi un auteur vous plaît pas vraiment, que de savoir pourquoi il vous plaît. Hein. Jessie Monveil, c'est amusant, d'ailleurs j'avais une conversation il n'y a pas très longtemps, moi je ne suis pas croyant, mais j'avais un ami croyant, qui est très surpris que je lise Veil et que j'aime Veil. Pour lui, c'était la première fois qu'il rencontrait un athée qui avait une sorte de... Oui, pour ça ne semblait pas particulièrement exceptionnel, mais après, La pesanteur et la grâce de Veil, c'est un très beau livre. Quoi qu'on pense de Veil par ailleurs, sur certains points, mais il y a... Bah, là aussi, voilà, c'est aussi... Il y a aussi à la fois une volonté chez Veil d'être pleinement dans le réel, d'ailleurs c'est ce qui l'a tué, hein. et couplé à une sorte de volonté de mystique, quoi. Il n'y a pas ces deux éléments-là. Foro m'a toujours semblé... C'est beau, il y a de très beaux passages dans Walden, mais c'est pas c'est trop calculé, c'est trop réfléchi pour être ce que je pense ça voudrait être. Je sais pas. Puis c'est un peu chiant aussi. Et c'est un peu chiant, oui, il faut aimer la cueillette des haricots. c'est oui, il y a 100 pages de trop. Facile. On parle de poésie. Si, quelque chose noir de Jacques Roubaud, ça c'est bien ça. Comme quoi, si, j'ai quand même de la poésie plus contemporaine, dirons-nous. Ouais, c'est sur le deuil de sa femme. Le début est magnifique, absolument magnifique. Quand il trouve le corps, quand il voit le corps pour la première fois. Il y avait du sang lourd sous ta peau, dans ta main, tombé au bout des doigts. Je ne le voyais pas humain. Cette image se présente pour la millième fois à neuf avec la même violence. Elle ne peut pas ne pas se répéter indéfiniment. Une nouvelle génération de mes cellules, si tant il y a, trouvera cette duplication onéreuse, ces tirages photographiques internes. Je n'ai pas le choix maintenant. Enfin, c'est vraiment... Et c'est... Ça fait quelque chose de dire ça. Il y a peu de... Peut-être parce que je n'y connais rien, en fait. Mais il y a peu de choses dans la poésie contemporaine qui m'ont marqué aussi profondément. Ah, voilà, c'était... Lugones, que j'avais trouvé, qui était, je sais pas si tu connais, qui est, donc c'était avant même l'ultraïsme, un auteur fantastique sud-américain, qui a été justement un peu réhabilité, enfin qui a été, c'est Alia qui l'a republié, il publie souvent une bonne chose chez Alia, qui est un peu tombé en oubli parce qu'il a fini complètement facho et il a été complètement gommé des lettres sud-américaines, comme beaucoup malheureusement. Et donc là, des gens ont commencé à republier ses premières œuvres avant justement qu'ils tournent mal, et pour le coup, qui sont intéressantes parce qu'on trouve, c'est vraiment on voit vraiment la naissance de ce qui va être ensuite le réalisme magique sud-américain, quoi. Et ça m'a profondément... Enfin, ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vu que c'est quand même quelque chose qui me... C'est vraiment une... Enfin, quelque chose qui me... C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Mais, enfin, on a parlé de Borges, mais Cortázar, notamment, c'est une littérature qui me plaît parce que, justement, comme c'est ce que j'ai trouvé aussi chez Lovecraft, qui, à mon sens, n'est pas totalement un écrivain fantastique, je crois que c'était Jacques Bergier, bon, Jacques Bergier disait souvent n'importe quoi, mais qui disait que c'était un écrivain réaliste. Je crois que c'est assez vrai. Mais c'est une... Il y a une volonté de... Enfin, une capacité à décrire métaphoriquement une sorte de donner un accès au réel, en fait, par la métaphore, qui est assez impressionnant, et qui est typiquement sud-américain. D'ailleurs, ça, bon, beaucoup d'auteurs l'ont dit, hein. Ben, Cortázar lui-même, hein, disait qu'il y avait... que ce que les sud-américains incluaient dans le mot « réalité » était beaucoup plus vaste que ce que les Européens y mettaient. Je crois que c'est assez juste. Donc c'est encore la même chose. Quatrième lecture. Donc Julio Cortázar, la fanfare, c'est vers la fin du texte. Donc quand Lucio, un des personnages, vient assister à un film et à un spectacle d'orchestre, et pendant lequel il a connu une expérience assez troublante. Ici, le récit de Lucio devint assez malaisé à transcrire. En son essence, mais c'est justement l'essentiel qui est insaisissable, il pourrait se résumer ainsi. Jusque-là, c'était une série d'anomalies isolées qui l'avaient préoccupé. Le programme mensonger, les spectateurs inattendus, l'orchestre illusoire dont la plus grande partie était truquée, le chef d'orchestre qui détonnait, le faux défilé, et lui-même engagé dans une histoire qui ne le concernait pas. Et soudain, il lui sembla comprendre tout cela en des termes qui dépassaient infiniment l'événement lui-même. Il sentit confusément qu'il lui avait été donné de voir enfin la réalité. Un moment de la réalité. Et elle lui avait paru fausse, parce qu'elle était la véritable, celle qu'il ne voyait plus à présent. Ce qu'il venait de voir, c'était le vrai, c'est-à-dire le faux. Il cessa d'éprouver comme un scandale d'être entouré d'éléments qui n'étaient pas à leur place, car, ayant pris conscience d'un monde différent, il comprit que cette vision pouvait s'étendre à la rue, à la galéra, à son complet bleu marine, à son emploi de la soirée, à son bureau demain matin, à sa décision de faire des économies, à ses vacances d'été, à son ami, à sa vieillesse, à l'heure de sa mort. Et ce n'était que par hasard qu'il ne voyait déjà plus les choses ainsi. Par hasard qu'il était de nouveau Lucio Medina. Seulement par hasard. Ouais, donc la fanfare de Cortázar, donc c'est peut-être l'exemple le plus, pour le coup, le plus évident, parce que là, c'est vraiment le thème de la... c'est vraiment le thème de la nouvelle, de cette capacité à, par moment, à gagner, enfin, à toucher du doigt, à gagner un certain accès direct à la réalité que permet la poésie ou que permet la littérature. Et c'est une des raisons pour lesquelles, ouais, ce texte vraiment résume assez bien ce qui me plaît, justement, dans le réalisme fantastique. Dans le réalisme magique, pardon, mais aussi dans le réalisme fantastique, on pourrait dire. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui était chez Planète, qui est un peu la même chose. C'est amusant, parce que je ne me souviens même plus, la dédicace, l'exergue de la fanfare, c'est à la mémoire de René Crevel, qui est mort pour des choses de ce genre. Qui s'est suicidé, lui aussi. Poète surréaliste. Est-ce que tu vois autre chose qui t'inspire ? Justement, ce qui est intéressant, c'est de parler des livres qui sont pas là. Et là, par exemple, quelque chose qui me revient, c'est que je crois que j'ai quasiment dégagé tout Kundera. Et je pense que c'est pas... c'est amusant de voir pourquoi les auteurs que j'ai quasiment entièrement passés à la trappe, non, alors que j'avais lu Kundera, pareil, avec, on va dire, un certain intérêt, quand j'avais 18 ans, et c'est des livres qui m'ont complètement... Enfin, qui me paraissent vraiment... qui m'ennuie maintenant quand je les relis. Quand je les reparcours à vraiment des passages. Quels auteurs j'ai complètement dégagé? Quels auteurs j'ai complètement... je sais pas. En tout cas, le grand vide, je l'ai fait il y a un an à peu près. Là. Parce que c'est vrai, c'est... une bibliothèque négative, en fait. Avec des livres qu'on sait qu'on ne veut pas avoir... dans sa bibliothèque. C'est vrai. On n'a pas regardé mon bol. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui est intéressant en bas? Ah bah si, il y a Ursenar quand même, oui, pas rien. Forcément, c'est le drame d'être en fin d'alphabet. Curieusement, l'œuvre noire m'a pas... Enfin, je l'ai aimé, mais sans plus, mais Les Mémoires d'Adrien, ouais, c'est... Je pense que ouais, c'est aussi un des plus grands livres que j'ai jamais lu. Enfin, quand on parlait des romans tout à l'heure, des romans vraiment qui m'ont marqué. Mémoire d'Adrien est vraiment très très... On n'a pas non plus parlé de cette bibliothèque. Ah oui, alors ça c'est la bibliothèque en vrac. Donc il y a les beaux livres, essentiellement des choses de cinéma, peinture, littéraire, enfin oui. J'ai quelques catalogues d'exposition. Kubrick, Giger, l'art baroque. J'ai aussi des... Ouais, j'avais quelques vieux traités d'anatomie, parce que j'aimais bien ça. J'étais beaucoup intéressé à la tératologie à une époque. C'est assez fascinant. Et sinon, après, il y a des souvenirs d'enfance aussi dans celle-là. C'est la maison qui s'est retrouvée ici. C'est des choses. Il y a eu le truc de Haeckel là, sur les créatures des abysses, enfin les dessins de créatures des abysses. Et à côté, un truc. Fameux bouquin extrêmement connu là, sur les autos et camions. C'est... c'est quelques livres d'enfance que j'ai conservés là-dedans. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Encore une fois, pourquoi cela? Je sais pas, c'est une sorte d'attachement sentimental. Mais oui, surtout des catalogues d'expo, sinon. Et des... Ah, le livre des symboles, c'était ma période Jung, ça. Et c'est un peu l'essentiel. Sinon, c'était dans les bouquins particuliers. Ah si, j'ai ce truc-là. Parce qu'on parlait de bouquins. Énorme. Wow. Ouais, c'est vrai, ouais. Un cadeau, ça, quand même, fait. C'était un énorme... sur Bosch. Avec... Des détails en taille absolument gigantesque. Il est prodigieux ce livre. Ah ouais. Ah, il est magnifique. Pour ceux qui écoutent et n'ont pas le. Hein, tu penses que ça fait du combien sur combien le livre? Excellente question. C'est très bonne question. Je dirais qu'on est facile sur du. Quoi, 42 haut et 60, 70 de large. Non, tout pas 60. Ah, c'est cool. Voilà, c'était, oui, c'était vraiment là. En termes de beau livre, c'était un des plus gros, un des plus impressionnants que j'ai. Sinon, oui, surtout des catalogues, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel. Et j'ai pas de livre, je pensais à ça justement pour les curiosités, comme ça, j'ai pas de livre particulièrement rare, ou des choses assez. Peut-être que le tirage est plus décisif, j'ai justement pour les Schopenhauer. À l'époque où j'avais une sorte de volonté maladive d'avoir absolument la totalité de Schopenhauer, j'avais réussi à trouver La Volonté dans la Nature, qui était complètement épuisant en français, et les Parerga aussi, qui sont là qui avaient complètement disparu, et je les ai payés cher chez Coda pour les trouver. Et j'ai appris après coup qu'ils ont été réédités avec une préface de Michel Onfray. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais ouais, non, c'était... J'ai pas ce côté bibliophile, justement, tu vois, qui est peut-être lié justement à ce rapport à la littérature, je disais. Après, la bibliophilie, c'est encore autre chose, mais l'attachement à la. Au livre en tant qu'objet. On en parlait pour partir en vacances avec Annie Arnaud, c'est un très beau titre de livre d'ailleurs. Là, oui, parce que là, ça a vraiment un sens, on va dire, de choisir un livre pour partir avec, mais l'objet, le livre, il n'y a pas cet attachement à la. Un poche me va très bien. Même si je regrette un peu ce côté. Tout comme en Angleterre, vers la beauté des livres. Par rapport quand même. On en parlait pour la couverture blanche aussi. Côté extrêmement spartiate en France. Parce que les choses doivent être sérieuses et. Au mieux, on a un Vasarely sur la couve. Il y a toujours quand même ce côté. Mais c'est pas. Non, il n'y a pas cette obsession. Tu vois, en réfléchissant au podcast pour la question des choix des lectures, des livres. Et c'est vrai que. Enfin, je réfléchis extrêmement peu à ma bibliothèque, en fait. Les livres, oui, qui la contiennent. Enfin, qu'elle contient, mais le. L'ensemble. Mais l'ensemble, tu vois, justement, parce que ce qu'on disait sur les. sur le rapport au livre, qui n'est pas un rapport bibliophile, qui n'est même pas un rapport vraiment littéraire. Mais il y a quand même cette volonté d'avoir, que certains livres soient là, quoi. Et c'est dur de trouver une justification, quelque part. Je sais que plus j'ai beaucoup d'amis là actuellement qui sont en train de se débarrasser de leur bibliothèque, enfin qui aiment bien avoir l'idée de... C'est très. Une sorte de tendance au minimalisme qui est très à la mode. Et. A priori, je devrais être un bon candidat pour ça. Parce que voilà, je n'ai pas finalement cet attachement si grand au livre, parce que je lis aujourd'hui plus sur écran tout de même que. Enfin. Que sur papier. Et pourtant, voilà. Il y a toujours quelque chose qui reste, quoi. Il y a des livres dont j'aurais dû me défaire, parce que je sais que je ne les relirai jamais, et je ne suis pas défait, parce qu'il faut qu'ils soient là. Que ce soit Jung, ou que ce soit ces trucs-là, c'est ce espèce de livre d'enfance qui traîne dans les bibliothèques à côté, qui n'ont rien à faire là, à côté de Stanley Kubrick. Parce que voilà, Pourquoi ça, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas envisager de ne pas avoir une bibliothèque? Alors que finalement, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable, sans aucune privation, quoi, aujourd'hui. Mais, en fait, voilà la conclusion. Je pensais à ça, notamment, en pensant à la... D'ailleurs, elle est magnifique, cette couverture, avec Arnaud, là. Mais tu me disais, c'est comme partir avec quelqu'un. Et c'est qu'il y a une dimension, en fait, de compagnie. C'est fou, hein, mais... c'est une compagnie. D'avoir physiquement présent dans ton appartement certains auteurs, pas n'importe lesquels, certains livres, ça les rend présents en fait. Et je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle ce serait vraiment pas possible, quoi. Ce serait comment qu'on va abandonner quelqu'un.